بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant la quatrième partie dans l'explication du livre de Cheikh Abdus Salam ibn Burjis رحمه الله تعالى المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده. Et on est arrivé dans le livre, dans le chapitre où il parle des piliers de la foi, Arkanul Iman. Et on sait que l'Iman, hein, c'est les six piliers de la foi, l'Imanu Billah, wa Malaikatihi, wa Kutubihi, wa Rusulihi, wa Al-Yawm Al-Akhir, wa Al-Yawm Al-Akhir, ou bien, comme le Cheikh il dit, wa Al-Ba'ath Ba'd Al-Mawt, wa Al-Qadr, wa Al-Imanu Bil-Qadr. Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh il dit ici, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa'ah hadhihi al arkan al sitta lil iman. Donc ça fait partie de la foi et de la croyance, les principes généraux de la croyance de ahli sunnah wal jamaa'ah, de croire en ces six piliers là. Et ces six piliers, c'est la foi en Allah, en les anges, en les livres, en les messagers, en la résurrection après la mort et en la prédestination. Et le Cheikh, il dit donc que Al-Imanu Billah, qui est le premier pilier de la foi, c'est, il dit, يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارُ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّ وَالْأُلُوهِيَّ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ. Donc il dit, la foi en Allah, ça comprend le fait de croire, hein, et de déclarer la foi en l'unicité d'Allah, dans la Rububiyya, dans sa seigneurie, dans Al-Uluhiyya, c'est-à-dire dans l'adoration, et dans Al-Asma wa Sifat, c'est-à-dire dans les noms et les attributs, comme nous l'avons expliqué précédemment. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué en réalité à propos du Tawhid? C'est en réalité le premier pilier parmi les piliers de la foi en Allah. Donc d'avoir la foi en Allah, c'est d'établir le tawhid d'Allah, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, les premiers cours, les deux derniers cours qu'on a fait. Ensuite, bon, il faut savoir que déjà en partant, qu'est-ce qu'on a expliqué à propos du tawhid jusqu'à date? Ça c'est seulement un survol. On a survolé rapidement le livre de tawhid. Le sujet du tawhid, parce que la réalité c'est que si on veut vraiment étudier et comprendre le tawhid en profondeur, eh bien ça prend des années d'études, et le tawhid tu dois l'étudier toute ta vie de toute façon. Il n'y a pas un moment où tu dis bon, j'ai étudié tel livre, ça y est, j'ai compris le tawhid, c'est fini maintenant. Non, si tu penses que c'est ça le tawhid, ça veut dire que tu n'as rien compris. Le tawhid, tu as toujours besoin de l'étudier, de le reviser, de le revivifier, hein, dans ta vie, pour que, hein, il soit toujours frais dans ta mémoire et dans ton cœur et dans ta pratique aussi. Parce qu'il y a des choses du tawhid que tu ne pourras jamais réellement savoir si tu y crois avec sincérité, sauf lorsque des événements ou des situations vont se présenter dans ta vie qui vont faire en sorte que tu vas réagir à ces événements-là ou à ces situations-là d'une manière soit qui est en accord avec le tawhid ou d'une manière qui est contraire au tawhid. Et c'est comme si pour dire que Allah, il va te mettre à l'épreuve dans ta vie, hein, pour voir si ta croyance c'est sincère ou non, hein. Donc c'est possible que quelqu'un, par exemple, il dit, moi je crois au tawhid, j'ai étudié Kitab al-Tawhid, hein, j'ai lu le Sharh, donc ça y est, j'ai compris le tawhid. Puis là, il lui arrive un malheur, et puis là, il déchire ses vêtements, il commence à, hein, griffer son visage, il commence à crier, pourquoi Allah tu m'as fait ça, pourquoi j'ai perdu ça, pourquoi elle est morte, pourquoi ci et ça. Tu dis, bon, tu as étudié le tawhid, tu l'as compris, tu as compris. Hein? Mais lorsque est venue l'épreuve, lorsque est venu le malheur, tu n'as pas été patient, tu n'as pas retenu ta langue de te plaindre, et tu as critiqué Allah, et tu as critiqué sa prédestination. Et ça c'est juste un exemple parmi les exemples qui montre que la personne, elle a une connaissance du tawhid et des principes de la religion. Si tu lui demandes, c'est quoi les conditions du tawhid, c'est quoi les règles du tawhid, c'est quoi les conditions de la ilaha illallah, c'est quoi les annulatifs de la ilaha illallah. Tu lui demandes, il te les énumère, il connaît par cœur, il les a mémorisés. Mais lorsque vient l'événement ou la situation et qu'il doit mettre cette connaissance-là en application, il échoue. Hein? Il échoue dans ça, pourquoi? Parce que c'était juste une connaissance, mais c'était pas une foi sincère. D'accord? Donc le tawhid, c'est pas juste une connaissance que tu apprends et que tu mémorises par cœur comme ça, comme tu répètes comme un perroquet. Non. Tu dois les apprendre, tu dois le comprendre, mais c'est une question de sincérité aussi et de foi. Et ça, c'est quelque chose qui se vit, hein, dans la vie de tous les jours. Et Allah, il va mettre ton tawhid à l'épreuve à chaque instant de ta vie. Hein, à chaque moment. Hein. Donc c'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas traiter le tawhid comme on traite un sujet, comme une matière, comme physique, mathématiques, chimie. Tu as étudié pour l'examen, tu as réussi l'examen, ça y est, j'ai compris. Non, ça c'est la religion d'Allah, on parle. Ça c'est ta vie, c'est ton test. Ça c'est très important donc de le comprendre comme il faut. Tu dis, moi je crois en Allah, qu'il est As-Sami' al-Basir. J'ai compris, tawhid al-asma wa sifat. Pourtant, quand tu es toute seule, que Allah il te voit, tu commences à lui désobéir. Est-ce que tu n'as pas cru que Allah il est al-basir? Donc, tu crois que Allah il te voit, pourquoi dans ce cas-là tu lui désobéis? Ça veut dire que tu as la foi, tu crois que Allah est basir, mais ta foi elle est faible. Si ta foi elle était plus forte, ça t'aurait empêché de commettre ce péché-là. Hein? Et plein d'autres exemples. Et ça, Cheikh Ibn Uthaymeen, il l'a mentionné dans son explication, hein, de Aqidat Tahawi al-Wasitiyah. Il a mentionné cette explication-là et cet exemple-là. Que ce n'est pas juste le fait de savoir et de connaître seulement, mais c'est aussi le fait de croire sincèrement et de mettre en application le tawhid. Hein. Et c'est ça le but. Toute connaissance qu'on apprend dans l'islam doit amener à une action, à une pratique. Si c'est seulement le fait de connaître, hein, sans qu'il y ait quelque chose qui en découle parmi les actions et la pratique, alors dans ce cas-là, cette science-là, elle ne sert à rien. D'accord? Donc ça, c'est très important. Maintenant aussi, le deuxième pilier de la foi, al-imanu bil-mala'ika. Al-imanu bil-mala'ika, la foi en les anges. Et ça, c'est une croyance très importante parmi les éléments de la foi en al-ghayb. Qu'est-ce qui est l'invisible? Le monde invisible des anges, parce que les anges, on ne les voit pas. Pourtant, ils existent. Et le fait de croire en les anges, c'est un aspect très important de la croyance du musulman. Et le cheikh, il va donner des exemples de ce en quoi consiste la foi en les anges. Et donc, un des points qu'il explique justement en grand détail, c'est ce point-là. Et je pense que pour aujourd'hui, on n'aura pas le temps de parler de plus que ce point-là. D'accord? Donc, jusqu'à 9h30, Inch'Allah, on va essayer de compléter la section au sujet de la foi en les anges. Donc, le cheikh, il dit, premièrement, de croire en les anges, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de reconnaître et de croire en leur existence. Déjà qu'ils existent. Et de croire en ce qui a été mentionné à propos de certains d'entre eux par rapport à leur nom. C'est-à-dire qu'il y a certains d'entre les anges que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné par leur nom. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Et il dit, il y a aussi de croire en ce qui a été mentionné des tâches ou des actions de certains d'entre ces anges-là. Il y a certains anges qui ont été mentionnés avec des tâches spécifiques ou des travaux spécifiques. Donc, de croire en ça. Voilà en quoi consiste croire en les anges. Et il dit, le cheikh, il cite le verset 285 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Amana al-Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal-mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. » Wa qala ta'ala, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Donc, il a énuméré deux versets, il a cité deux versets. Le premier verset, c'est le verset 285 dans Surat al-Baqarah, et le deuxième, c'est le verset 177 dans Surat al-Baqarah. Dans le premier verset, 285, il dit ce qui signifie « Le messager a cru en ce qui a été révélé sur lui de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants. Ils ont tous cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. » Et dans le verset 177, Allah subhanahu wa ta'ala dit « La bonté ne consiste point à tourner votre visage vers l'est ou vers l'ouest, mais plutôt la bonté consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. » Et dans Sahih Muslim, il est rapporté dans le hadith de Jibril, hadith qui est long, qui est connu, qui explique les trois degrés de la religion, l'islam, l'iman, l'ihsan. Dans ce hadith-là, lorsque Jibril il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'iman, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, et il dit l'iman, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Donc, il énumère dans ce hadith-là les six piliers de la foi. C'est de croire, il a dit la foi, lorsqu'il a répondu à la question de Jibril, il dit la foi c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, de croire au jour dernier et de croire en la prédestination, c'est-à-dire de qu'est-ce qui a été prédestiné, de bien ou de mal. Ensuite, en ce qui concerne la description des anges et de leurs caractéristiques, le cheikh il dit وَقَدْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَسْحِرُونَ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ pardon, وَلَا يَسْتَسْحِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَلَا يَفْتُرُونَ. Donc, il mentionne, le cheikh, il mentionne dans ce verset, qui est le verset 20, 19 et 20 dans Surat al-Anbiya, il mentionne la description ou certaines des caractéristiques des anges. Donc, juste un instant pour que je trouve le verset en question. On a dit 19 à 20 dans Surat al-Anbiya. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset ce qui signifie « À lui appartient tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges, ne se considèrent point trop grands, hein, ne se considèrent pas trop grands pour adorer hein, Allah subhanahu wa ta'ala et ne s'en lassent jamais. » Voilà, yastahsirun. C'est-à-dire, ils se fatiguent jamais d'adorer Allah. Ils se lassent jamais. Hein? Nous, les êtres humains, on est souvent fatigués. Quand on fait quelque chose trop longtemps, on devient lassé, on devient fatigué. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit, quand Allah il nous ordonne de l'adorer, et il nous ordonne de l'adorer. C'est pas parce que lui, il a besoin de notre adoration. Il n'a pas besoin de notre adoration. L'adoration qu'on fait, c'est pour nous-mêmes, en réalité. Parce que c'est nous qui avons besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-ghaniyu, al-qayyum, il a besoin de rien. Il se suffit à lui-même. Et il y a des créatures que Allah a créées, comme les anges par exemple, qui ne se fatiguent jamais. Ils adorent Allah sans cesse, sans arrêt. Hein? Donc, ils adorent Allah beaucoup plus que nous et ils ne se lassent jamais. Et ils vénèrent Allah subhanahu wa ta'ala et ils célèbrent sa gloire. Hein, ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour et ne s'interrompent jamais. Ils ne stoppent jamais, ils n'arrêtent jamais, même pas quelques instants pour se reposer, non. Leur vie, c'est leur existence n'est que pour adorer Allah et glorifier Allah sans cesse. Dans le verset 26 et 27 dans Surat al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala donne une autre description à propos des anges. Il dit بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. Donc ça c'est une autre description des anges. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à leur sujet, mais plutôt ce sont des serviteurs honorables hein, et honorés. Ils ne le précèdent pas ni par la parole. Hein? Et ils sont ils agissent uniquement selon son ordre et son commandement. Ça veut dire qu'ils ne dépassent jamais l'ordre d'Allah et la parole d'Allah. Et ils sont soumis à son commandement et ils n'agissent que selon son commandement. Ils ne peuvent pas agir contraire à ce que Allah ordonne. Ça, c'est la preuve que l'idée que les chrétiens et les juifs ont à propos des anges, elle est erronée. Parce que beaucoup de juifs et de chrétiens ont l'idée que parmi les anges, il y en a qui sont chutés. Ils disent, il y a des anges chutés. Ils disent même que le Satan, le diable, qu'ils appellent Lucifer, que c'était un ange de lumière. Et qu'il il s'est enflé d'orgueil, il est devenu arrogant et il a dévié à cause de ça. Donc, il considère que c'est un ange qui a chuté. Mais ça, c'est incorrect. Pourquoi c'est incorrect? Parce que déjà, les anges eux-mêmes n'ont même pas cette capacité de désobéir. Et ce libre arbitre, ils ne l'ont pas. Et la réalité à propos de Iblis, c'est qu'il fait partie des djinns et qu'il était parmi les anges. Au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner. Et quand tous les anges se sont prosternés, lui, il est resté, il a refusé de se prosterner, il est resté sans se prosterner. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner alors que je t'ai ordonné de le faire ?» Et il a dit, « Est-ce que tu t'es enflé d'orgueil ?» Et il répond en disant, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui, tu l'as créé de terre. » Donc, il prétend qu'il est meilleur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, il dit, « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Surat Al-Kahf le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner, alors ils se sont tous prosternés excepté Iblis. Il était parmi les djinns, il fait partie des djinns. Il s'est rebellé contre l'ordre de son Seigneur. Il a refusé de se soumettre à son Seigneur. Donc, Iblis n'était pas un ange. C'est pas un ange chuté. Plutôt, c'est un djinn. Parce que les djinns, comme les êtres humains, ont le libre arbitre, dans le sens qu'ils ont le choix d'obéir ou de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils seront jugés pour qu'est-ce qu'ils font. Tandis que les anges, non. Les anges, ils n'ont pas le choix d'obéir. Et le verset que le cheikh a cité ensuite, c'est le verset 206 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, 206 dans Surat Al-A'raf, « Ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne s'enflent pas d'orgueil vis-à-vis son adoration et ils le glorifient et c'est à lui qu'ils se prosternent seulement. » C'est à lui qu'ils se prosternent seulement. Parmi les caractéristiques des anges, c'est qu'ils sont des serviteurs, des esclaves d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il a cité, il dit donc que ce sont des serviteurs d'Allah, qu'ils sont parmi les créatures d'Allah, et ce sont des créatures immenses. Parmi les anges, il y en a qui sont extrêmement immenses, et ils ne méritent rien de l'adoration. On n'a pas le droit de les adorer. Et je me rappelle quand j'étais allé en Côte d'Ivoire, une fois, et puis en revenant, il y avait un groupe de chrétiens qui s'en allaient en Europe pour faire un pèlerinage, et je me rappelle qu'il y avait une dame ivoirienne qui était chrétienne et qui était dans l'avion, et elle avait un livre dans ses mains, et le titre de ce livre c'était l'adoration des anges, l'adoration des anges. Donc j'ai dit non, on n'a pas le droit d'adorer les anges, c'est du shirk. J'ai dit, même malgré que les anges, Allah subhanahu wa ta'ala les envoie pour protéger les croyants, et qu'il y a des anges qui sont nos anges gardiens et qui nous préservent et qui nous protègent. Mais malgré ça, on n'a pas le droit de leur demander à eux de nous protéger ou de nous guider ou de nous aider ou d'invoquer Allah pour nous. Plutôt, c'est à Allah qu'on doit demander ça. Pourquoi? Parce que les anges sont uniquement soumis au commandement d'Allah. Même si on leur demande, ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Hein, c'est seulement si Allah leur donne le commandement ou leur permet de faire quelque chose qu'ils vont le faire. Mais sinon, ils ne vont pas le faire. Donc, ça ne sert à rien de leur demander quoi que ce soit. Et de plus, ils sont invisibles. On ne peut pas les voir. Donc, ça ne sert à rien de leur adresser quoi que ce soit. Et donc, ça, c'est un exemple. Hein. Ils ne méritent pas d'être adorés, malgré leur proximité d'Allah, malgré leur grandeur, malgré leur, hein, leur piété, ou bien le fait qu'ils adorent beaucoup Allah. Et dans le verset 40 et 41 dans surat Saba, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُشْرِكُونَ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ » Le Cheikh, il dit que donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans ce verset 40-41 dans surat Saba, et le jour où nous allons tous les ressusciter, les rassembler. Et puis Allah va dire aux anges, est-ce que c'est ceux-là que vous adoriez, hein? Est-ce que c'est ceux-là que vous adoriez? Ils vont dire, gloire à toi, hein? C'est toi notre protecteur en dehors d'eux, mais ce sont plutôt les djinns qu'ils adoraient. Hein? La plupart d'entre eux, hein, c'est en eux qu'ils croyaient. Donc ils adoraient les djinns et non les anges. Et les anges, eux, n'ont jamais été satisfaits ou n'ont jamais accepté que des hommes les adorent en dehors d'Allah. Le verset 80 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » Donc dans ce verset 80 dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et il ne vous ordonne pas, hein, le messager ne vous ordonne pas de prendre les anges ou les prophètes comme des seigneurs avec Allah. Va-t-il vous ordonner la mécréance après que vous ayez, que vous étiez, que vous ayez, que vous, après que vous ayez eu, que vous ayez étiez, que vous étiez. Va-t-il vous ordonner la mécréance après que vous ayez. Subhanallah, je perds mon français là. Après avoir été musulman, est-ce qu'il va vous ordonner le coffre, hein? Donc c'est ça. Le passé simple, c'est pas facile. Bon. Ensuite, il cite un hadith dans Sahih Muslim, rapporté selon Aisha radiallahu anha. Il dit, « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, خلقت الملائكة من نور, وخلق الجان من مارج من نار, وخلق آدم مما قد وصف لكم. » Ça, c'est un hadith important aussi, rapporté par l'imam muslim, selon Aisha radiallahu anha, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les anges sont créés de lumière, et les djinns ont été créés de feu, hein, et Adam a été créé de ce qui a été, décrit pour vous, dans le Coran. Donc, Adam, il est créé de terre, il est créé de terre, comme il l'a mentionné, d'une boue malléable, et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que l'origine de la création des anges, c'est la lumière. Comme l'origine de la création des djinns, c'est le feu. Et comme l'origine de la création des êtres humains, c'est la terre, hein, c'est la boue. وَمِنْ صِفَتِهِ وَمِنْ صِفَتِ خَلْقِهِمْ أَنَّ لَهُمْ أَجْنِحَ. Donc ils sont créés de lumière, c'est des êtres de lumière. Et ils ont des ailes. Allah les a créés avec des ailes. فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ جَنَاحَانِ. Donc certains, ils ont deux ailes. جَنَاحَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ. Donc le Cheikh dit, il y en a qui ont deux ailes d'un côté et deux ailes de l'autre. D'autres qui ont trois ailes d'un côté et trois ailes de l'autre. D'autres quatre ailes. Hein? Et ainsi de suite. Il mentionne le verset dans Surat Fatir, le verset 1, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillah, Fatir al-Samawati wal-Ard, Ja'il al-Mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Bon, j'ai dit trois ailes d'un côté, trois ailes de l'autre. Ça, c'est-à-dire, je le traduis comme ça parce que le Cheikh, il a dit 3, 3. deux, il y en a qui ont deux anges, deux. Il a dit, il y en a qui ont deux anges, janahan, janahan. Et il y en a d'autres qui ont salasa, salasa, trois. Et il y en a d'autres qui ont quatre, arba'a. Donc, je traduis comme ça, Allahu alam, est-ce que c'est quatre d'un côté, quatre de l'autre? Moi, j'ai dit ça comme ça, mais c'est par rapport à la traduction. Mais sinon, la réalité de ça, est-ce que c'est ça que le cheikh a voulu dire quand il a dit arba'a, salasa, janahan, Allahu alam. D'accord? Je ne sais pas. Mais c'est juste, je l'ai traduit comme ça, bon. C'est probablement que c'est pas ça nécessairement que le cheikh a voulu dire. Donc c'est juste pour que vous sachiez. Et en ce qui concerne le verset lui-même maintenant, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là? Il dit, louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, hein, comme des messagers, qui possèdent des ailes, deux, trois ou quatre. Et après, il dit, Yazidu fil khalqi ma yasha. Il augmente dans la création ce qu'il veut. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah a le pouvoir sur toute chose. Et donc, c'est pour dire que, comme c'est mentionné à propos du hadith justement, que le cheikh il cite après, le hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam ra'a Jibril wa lahu 600 junah. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril, et ça c'est lorsqu'il l'a vu dans sa forme réelle. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il voyait le Jibril dans son apparence humaine, mais quand il l'a vu dans sa forme réelle, il l'a vu, il avait 600 ailes. 600 ailes. Et il mentionne qu'avec un seul aile, il couvre l'horizon. Il couvre l'horizon au complet. Donc ça veut dire que c'est un ange immense. On ne peut pas imaginer sa grandeur. Et donc, c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il augmente dans sa création, qu'est-ce qu'il veut? Il y a des anges avec deux ailes, d'autres avec trois, d'autres avec quatre, et il y en a qui ont 600, comme Jibril, jusqu'à 600 ailes, et Allahu a'lam, yani, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres nombres, un autre nombre dans de quantité d'ailes? Allahu a'lam. Mais c'est pour dire que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de créer qu'est-ce qu'il veut. Et il dit ensuite que les anges, parmi les éléments qui font partie de la foi en les anges, c'est qu'ils ont la capacité de changer de forme. Hein? Il dit وَقَدْ أَقْدَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى التَّشَكُّلِ بِالْأَجْسَامِ الْحَسَنَةِ كَمَا تَمَثَّلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَرْيَمَ بَشَرًا سَوِيًّا وَكَمَا تَمَثَّلُوا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِندَمَا حلوا عليه ضيوفا مكرمين وكما تمثلوا للوط عليه السلام عندما جاءوا لإنزال العذاب بقومه ونحو ذلك. Donc ils sont capables de prendre des formes physiques qui sont belles, des belles formes physiques humaines. Et l'exemple de Jibril عليه السلام lorsqu'il est apparu à Maryam avec une dans la forme comme Allah l'a décrit, Basharan Sawiya, hein, un homme de belle forme, hein. Et il dit également à propos de Ibrahim lorsqu'il a reçu des invités, hein, qui étaient honorables. Il les a décrits comme étant Duyuvan Mukramin, hein. C'est-à-dire qu'ils avaient, ils étaient honorables et une belle apparence, noble. Et il mentionne aussi ceux qui sont venus pour avertir l'autre. Hein, le prophète Lot, alayhi salam, lorsque il est venu pour lui dire que Allah allait faire descendre sur son peuple un châtiment, hein, eh bien, ils sont venus également sous la forme d'hommes. Donc, ça c'est parmi les exemples. Et aussi, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est apparu nombreuses fois au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'être humain, en forme d'être humain, et même que les sahaba l'ont vu. Hein, sahaba l'ont vu, comme dans le hadith de Jibril, lorsqu'il est venu pour poser les questions à propos de l'islam, eh bien, les sahaba l'ont vu, hein, dans une forme humaine. Il dit ensuite, le shaykh, Ar-rad ala al-mushrikin fi qawlihim al-mala'ikatu banatullah. Donc, il réfute l'exemple des paroles des mushrikin lorsqu'il qualifie les anges d'être des filles d'Allah. Et il mentionne le cheikh à ce sujet-là que les mushrikoun ont prétendu que les anges sont les filles d'Allah. Et il dit que Allah soit, hein, que Allah soit exalté de ce que les injustes ont dit. Hein? Et il dit à propos de ça, dans il cite les versets 26 et 27, 26 à 28 dans Surat Al-Anbiya, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وقال تعالى فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لهم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ثم قال تعالى عن الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. Donc ici dans les versets que le cheikh a mentionné, le premier verset 26 des premiers versets, c'est de 26 à 28 dans Sourate Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et ils ont dit, le tout miséricordieux a pris un fils, gloire à lui, hein? Plutôt, ils sont des serviteurs nobles. Hein? Et il dit, ils ne le précèdent pas de la parole, ou par la parole, et ils agissent uniquement selon son ordre et son commandement. Il sait ce qu'il y a devant eux et ce qu'il y a derrière eux, et ils ne peuvent intercéder excepté pour celui que Allah a agréé. Et ils sont remplis de crainte. Hein, et de crainte vis-à-vis de lui. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Il dit ensuite les versets 149 à 157 dans Sourate As-Saffat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets ce qui signifie. Attendez, je vais vérifier encore la traduction par rapport à ces versets-là. Hein, 149 à 157 dans Surat As-Saffat. Pose-leur donc la question: ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils? Ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin et en sont-ils témoins? Certes, ils disent dans leur mensonge: Allah a engendré, mais ce sont certainement des menteurs. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Ne réfléchissez-vous donc pas? Ou avez-vous un argument évident? Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Et ensuite, le cheikh, il a cité un autre verset dans Surat As-Saffat, qui sont les versets 164 et jusqu'à 166. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: il n'y en a pas un parmi nous, en parlant des anges, qui n'ait une place connue. Nous sommes certes les rangés en rang. Et c'est le titre même de la sourate, sourate As-Saffat. Hein? Ça veut dire ceux qui sont rangés en rang. En parlant des anges, hein? Ils sont en rang. Et nous sommes certes ceux qui sont rangés en rang. Et c'est nous, certes, qui célébrons la gloire de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, la gloire d'Allah. Et il dit que parmi les anges, il y a Djibril. Donc là, il va parler de certains anges en particulier, comme Djibril, Mikaïl, Israfil, Malak al-Maut, hein, et d'autres également parmi les anges. Donc, il dit par rapport à Djibril, alayhi salam, « وَمِنْهُمْ Djibril, alayhi salam, al-muwakkalu bil-wahi » قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de Jibril, qui est l'ange qui a été chargé de transmettre la révélation, il dit à son sujet dans le verset 97 dans Surat Al-Baqarah, dit au Muhammad: quiconque est l'ennemi de Jibril, alors, hein, sachez que il l'a fait, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a fait descendre sur ton cœur par la permission d'Allah. Et ensuite, le cheikh, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, hein, avec ses yeux, avec 600 ailes. Et il a rempli l'horizon. Hein. Il est immense, cet ange. Et lorsqu'il l'a vu, également la nuit de Al-Mi'raj, lors de l'ascension vers les cieux, hein, également, Fis-Sama, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets 13 à 15 dans sourate An-Najm, il dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Donc, on va voir aussi dans la traduction de ce verset. C'est les versets 13 à 15. Il dit, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de Sidratil Muntaha. C'est un arbre, hein, qui est près d'Allah subhanahu wa ta'ala, près de l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé pour parler avec Allah subhanahu wa ta'ala lors de l'ascension. Et il dit ensuite, près d'elle se trouve le jardin de Ma'wa. Donc ça, c'est pour mentionner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est les deux occasions dans lesquelles il a vu Jibril dans son état réel d'ange. Hein? Une fois, il l'a vu à Mecca, et une fois il l'a vu dans l'ascension. Et il dit, tandis que dans les autres occasions quand il l'a vu, en grande partie il a dit, il était dans l'apparence d'un être humain. Et il était selon l'apparence de Dahiyat al-Kalbi, un homme qui s'appelait Dahiyat al-Kalbi. Donc il lui ressemblait. Il dit, wa qala Allahu ta'ala fi Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de Jibril alayhi salam, innahu la qawlu rasulin karim, dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin, muta'in thumma amin, wa ma sahibukum bimajnun, wa la qad ra'ahu bil ufuqil mubin. Donc ça c'est dans sourate At-Takwir. Dans sourate At-Takwir, dans les versets 19 à 23. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets-là, ceci, le Coran est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône, obéi là-haut et digne de confiance, votre compagnon, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est nullement fou, il l'a effectivement vu, c'est-à-dire Jibril, au clair horizon. Et il dit, ensuite, à propos des anges, il y a l'ange Mikaïl. Et Mikaïl, alayhi salam, hein, c'est l'ange qui est chargé, hein, de la goutte, hein, la goutte d'eau qui tombe et de la faire tomber à l'endroit où Allah a ordonné. C'est-à-dire, c'est lui qui gère la pluie et la descente de la pluie. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne où faire tomber la pluie et lui, il le fait. Et il dit, wa akhraja al-imam Ahmad an Anas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala li Jibril, ma li lam ara Mikail dahikan qat. قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. يعني il mentionne ce hadith dans lequel l'imam Ahmad il rapporte que Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril, yani il dit, comment ça se fait que je vois, j'ai jamais vu Mikaïl rire une seule fois, yani je l'ai jamais vu rire. Il a dit, il n'a jamais ri, Mikaïl n'a jamais ri depuis que Allah a créé depuis que le feu a été créé, depuis que l'enfer a été créé, il n'a jamais ri par la suite. Subhanallah. Il dit, wa qala Allahu ta'ala fi Mikaïl, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril, wa rusulihi wa Jibril wa Mikaïl, fa inna Allah aduwan lil kafirin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne Mikaïl dans le Coran, le verset 98, dans Sourate Al-Baqarah, Donc il dit, quiconque est un ennemi d'Allah et des anges et de ses messagers et de Jibril et de Mikal. Mikal, c'est Mikaïl. Alors Allah, certes, est l'ennemi des mécréants. Puis il a cité ensuite Israfil. Israfil, il dit, c'est l'ange qui est chargé de souffler dans le clairon au jour de la résurrection. Il va souffler trois fois dans ce clairon par l'ordre de son Seigneur. La première, le premier souffle, ou le premier coup, c'est Nafratul Faza. Hein? Et le deuxième, c'est Nafratul Sa'iq. Et le troisième, c'est Nafratul Qiyam. Donc, le premier coup, c'est le coup de l'effroi. Hein? Le deuxième, c'est le coup du foudroiement. Et le troisième coup, c'est le coup de la résurrection, le qiyam. Le coup lorsque les gens seront debout devant leur Seigneur, le Seigneur du monde. Il dit, وَهَاُولَا الثَّلَاثَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Donc, ces trois anges sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans, c'est-à-dire ce sont ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans son dua, quand il se lève la nuit pour faire la prière nocturne. Et il disait dans cette invocation, dans ce dua qui est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, Allahumma rabbi Jibra'il, wa Mika'il, wa Israfil, fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghaybi wa shahada, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini limakhtulifa fihi min al-haqq bi-idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Donc dans ce dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit, il faisait la prière nocturne et il faisait comme invocation le dua suivant, dans lequel il mentionne les trois anges qu'on a mentionnés. Il disait, ô Allah, Seigneur de Jibra'il, de Mika'il, de Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de ce qui est invisible et de ce qui est apparent, c'est toi qui juges entre tes serviteurs dans ce sur quoi ils ont divergé entre eux. Guide-moi vers la vérité dans ce sur quoi ils ont divergé. Yani, guide-moi vers la vérité par ta permission dans ce sur quoi ils ont divergé. C'est certes toi qui guides qui tu veux vers un droit chemin. Ça, c'est la signification de ce doua. Et dans Sunan al-Nasa'i, il est rapporté selon Aisha radiallahu anha que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une invocation, Allahumma rabbi Jibra'il wa Mika'il wa rabbu Israfil, a'udhu bika min harrin nar wa min adhabil qabr. Donc il a dit, oh Allah, le Seigneur de Jibra'il, de Mika'il et le Seigneur de Israfil, je cherche refuge en toi contre la chaleur de l'enfer et le châtiment de la tombe. Et il dit, et parmi les anges, il y a également l'ange de la mort. Et l'ange de la mort, c'est celui qui est chargé de venir prendre les âmes au moment de la mort. Et ça, c'est basé sur le verset dans Surat As-Sajda, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, dit, c'est l'ange de la mort qui vient prendre votre âme, celui qui a été chargé de venir prendre votre âme, puis c'est votre Seigneur que vous allez être ramené. Il y a un point que je voulais mentionner, mais bon, ça m'échappe en ce moment. Donc si je m'en rappelle, demain je vous le mentionnerai, inshallah. Il dit « وَمِنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّلُونَ بِحِفْظِ بَنِي آدَمُ فِي كُلِّ حَالَاتِهِ. » C'est-à-dire qu'il y a des anges qui sont des anges gardiens, qui sont chargés de préserver les hommes et de les protéger dans toutes les situations, que ce soit en voyage, ou que ce soit pendant qu'ils dorment, ou pendant qu'ils sont réveillés, peu importe la situation. Ils ont comme tâche de protéger les hommes. Et dans le verset 10 et 11, dans Surat Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Donc ça c'est, on a dit le verset 10 et 11 dans Sourate Al-Ra'd. Donc on va vérifier par rapport à la traduction de ces versets. Ok, d'accord. C'est les versets, on a dit, 10 à 11. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient une parole secrète ou celui qui montre sa parole au grand jour. Donc pour Allah c'est la même chose, hein, parce qu'il entend tout et il sait tout. Et il dit, et il, c'est-à-dire l'homme, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Et ensuite, il dit, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ لَهُمْ مُعَقَّبَاتٌ يَنِي مَلَائِكَةٌ يَحْفَظُونَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ فَإِذَا جَاءَ قَدَرُهُ خَلَّوْ عَنْهُ. نعم. Le cheikh il mentionne la parole d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu comme tafsir, explication de la parole lahu mu'aqqabat. Hein, il a des anges qui viennent qui le protègent et qui viennent se relayer, hein, entre eux pour le protéger. Et Ibn Abbas, il dit, c'est-à-dire que c'est des anges qui le préservent devant et derrière lui. Mais lorsque vient la prédestination d'Allah, il le laisse. Hein, il le laisse. Sinon, il ne nous arriverait jamais rien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné certaines choses, et lorsque ces choses-là sont prédestinées, eh bien, c'est ça ce qui se produit. Il dit, également, il y a parmi les anges qui sont les scribes, les nobles scribes, qui sont chargés d'écrire les œuvres des êtres humains, que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses, ils écrivent les bonnes œuvres et les péchés. Comme c'est mentionné dans Sourate Al-Infitar, le verset 10 à 12, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ont, hein, auprès d'eux des scribes, des nobles scribes qui gardent ce, yani qui les surveillent, qui gardent ce qu'ils font, qui écrivent ce qu'ils font, et ils savent ce qu'ils font. Il dit le cheikh à propos des anges qu'ils sont très nombreux. Et on ne peut même pas savoir combien il y en a, tellement qu'ils sont nombreux. Et l'exemple de ça, c'est ce qui est mentionné dans le hadith que le cheikh a cité ici. Il dit, أخبر صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله في رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a un endroit dans le ciel qui s'appelle Al-Bayt al-Ma'amour. Hein? Et dans cet endroit-là, à chaque jour, il y a 70 000 anges qui rentrent. Hein? Et ils n'y reviennent jamais. Hein? C'est-à-dire, ils n'y reviennent jamais. C'est-à-dire que chaque jour, il y a 70 000 nouveaux anges qui rentrent à chaque fois. Hein? Donc, on ne peut pas savoir combien il y en a, tellement qu'il y en a. Hein? Et il dit, à propos de celui qui nie l'existence des anges, c'est quoi son verdict par rapport à l'islam? Il dit, من أنكر وجود الملائكة فقد كفر بإجماع المسلمين. قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر faqad dhalla dhalalan ba'ida. Donc dans le verset 136 dans sourate An-Nisa, quiconque a rejeté la foi en Allah, en les anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, alors il s'est certes égaré d'un égarement lointain. Et ça, c'est ce qui vient conclure la croyance en les anges, et qui est le deuxième pilier parmi les piliers de la foi. Et donc, Inch'Allah, on va s'arrêter à ce point-là pour aujourd'hui. Et demain, Inch'Allah, on va continuer les six piliers de la foi, avec en premier la foi en les livres d'Allah. D'accord? Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.